fête sur terre comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur, ici et maintenant. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, où tu sièges, mon Seigneur. Sa beauté et sa vie.